remède, c'est le taf ou la tôle. Veux tous casser au soleil, et pas ta place au pot. J'appelle les frères qu'on est darons qui se cassent le dos, j'suis honnête. Les gros et petits bonnets qui ont la rage du collège. Gros, c'est ça la vie qui se promet, c'est le taf ou la tôle. Veux tous casser au soleil, et pas ta place au pot. De la SL gratuite, trop d'années à vivre dans le ville. Les crapules restent en vie, ce qui me contraint à tirer dans le mille, tant pis. Si c'est pour périr avec des centimes, je me remettrai en mode on, toujours à la quête du hors-bord. Kamikaze, lyrical à mes heures perdues, j'arrive sur tes ondes comme une vermine pour t'atteindre l'extase. Eh ouais mec, depuis 2002 ça te met des claques auditives. Je te crève ton œil quand tu me le jettes, l'oseille te fait du putain d'homme. Ouais c'est l'animal, panique, il repartira pas les mains vides. On te sortira l'artillerie si ça part en couille et sache le pari man. Les âmes sensibles sont conseillés de s'abstenir, sont c'est pour ceux qui ont les couilles de pas se laisser mourir. Pas pour les frères qu'ont des darons qui se cassent le dos, j'ai honnête. Les gros et petits bonnets qui planquent leur cloque puis le collège. Gros c'est ça la vie qui te promet, c'est le taf ou la tôle. Veux tous casser au soleil et pas ta place au pot. Pour les frères qu'ont des darons qui se cassent le dos, j'ai honnête. Les gros et petits bonnets qui ont la rage puis le collège. Gros c'est ça la vie qui te promet, c'est le taf ou la tôle. Veux tous casser au soleil et pas ta place au pot. Pour les frères qu'ont des darons qui se cassent le dos, j'ai honnête. Les gros et petits bonnets qui ont la dalle depuis le collège. Les frérots malhonnêtes, ceux qui ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Quand pour atteindre le bonheur, tu sèmes la terreur. Je veux plus être le cobaye ni leur soldat. Les cœurs s'emballent et ça tu le ressens pas. Ici faire t'éloigne de la lucidité. Et tu comprends vite que t'es limité, car tu devras lutter pour atteindre la sérénité. Cruellement tu cherches ton amygdala. Tu fuis les palabres, la rue et ses salades. Viens faire un tour dans mon 9-3, où y'a très peu de descendants de Godefroy. Là où ça s'entend des délires gauche-droite. Ce qu'on demande, on l'a mérité. Nous on n'a pas eu besoin du film indigène pour connaître la vérité. Accorde-nous quand même que ce que tu nous donnes est indigeste. Attends que tu gères que je te montre à quel point je te rêve. Pour les frères qu'ont des darons qui se cassent le dos, j'ai honnête. Les gros et petits bonnets qui planquent leur cloque puis le collège. Gros c'est ça la vie qui te promet, c'est le taf ou la tôle. Veux tous passer au soleil et pas ta place au pot. Pour les frères qu'ont des darons qui se cassent le dos, j'ai honnête. Les gros et petits bonnets qui ont la rage puis le collège. Gros c'est ça la vie qui te promet, c'est le taf ou la tôle. Veux tous casser au soleil et pas ta place au pot, mec.